Production. Gaston et Kathleen, Jean-Claude et moi, on était allés, comme certains de la grande maison le savent déjà, là, on était allés un soir à Sorel. Gaston et Kathleen ont donné leur témoignage et on a beaucoup apprécié ce qu'on avait entendu et le temps qu'on a échangé avec eux aussi. Et en même temps, c'est ce qui nous avait... C'est pourquoi on les avait invités à venir cet été au camp avec nous. Et comme on disait tantôt, Dieu n'a pas permis. La santé de Kathleen ne permettait pas qu'elle soit avec nous ce jour-là. Mais merci Seigneur parce qu'ils sont ici ce soir. Pour Gaston et Kathleen, peut-être pour que vous sachiez un peu, et pour Jean-Louis et Denise aussi dans le fond. Ici, il y a l'église de Saint-Jean qui est parmi nous. Claude est ancien à Saint-Jean, entre autres. Et on a ici la Grande Maison. Cette bâtisse-là, on l'appelle la Grande Maison. Vous saviez peut-être déjà. Et nous, on est un rassemblement de différentes églises dans différentes villes ici. Et on se réunit dans nos localités. Puis le dimanche, on se réunit ici, à Mont-Saint-Hilaire. Donc, c'est un peu le topo de qui on est. Vous avez eu l'occasion de parler un peu avec quelques-uns d'entre nous. Donc, ça vous a donné un peu l'occasion de nous connaître aussi. Et dans le fond, on veut juste remercier Dieu que vous êtes avec nous ce soir. Je ne ferai pas de plus grande introduction parce que je veux plus vous laisser parler. Vous allez mieux vous présenter que moi, je vais le faire. Moi, j'ai connu Gaston et Kathleen. Je les ai vus une fois, dans le fond. J'étais allé chez eux, ça fait plusieurs années maintenant, dans le temps, à Gibec. Et j'avais connu leur fils particulièrement. On a passé un été ensemble. Puis, j'avais bien apprécié Georges, leur fils aussi, qui sert toujours le Seigneur, Georges, qui est fidèle. Denise et Jean-Louis, je n'ai pas connu, je ne sais pas si vous avez des enfants, je n'ai pas connu votre famille non plus. Mais, fait que je vous invite tout de suite à vous joindre à nous. Merci. Là, on devrait-tu placer ça comme ça, un peu? Non, je l'aime. Oui. Oh, je l'aime. Non. Merci. C'est beau. La dernière fois qu'on a donné notre témoignage, quand j'ai écouté le CD, j'ai réalisé que je parlais plus souvent dans ma bouteille d'eau que dans le micro. Ce qui manquait des bouts dans le CD. Alors, je voudrais vous dire, vous remercier de nous avoir invités. C'est un grand privilège pour nous. Est-ce que ça fonctionne? Là, ça devrait être mieux. C'est un privilège qu'on a d'être ici. On se demande toujours pourquoi qu'on nous demande, parce qu'on est des gens saints. On est des gens qui ont eu une vie chrétienne, des bouts très agréables, des combats, des luttes, des chutes, et la grâce de Dieu qui s'est manifestée à différentes façons dans nos vies. Mais c'est un privilège qu'on a, Cathy et moi, d'être avec vous. Et on espère que Dieu va pouvoir parler à vos cœurs ce soir et aux nôtres aussi, parce qu'à chaque fois qu'on a l'occasion de parler, ça nous rappelle des choses et ça nous permet de s'approcher du Seigneur davantage. J'aimerais juste continuer, parce que j'ai déjà débuté, hein, ça va être difficile. C'est parce qu'on n'est vraiment pas des conférenciers. Hein? Nous autres, on est des débuteurs puis des finisseurs. deux semaines passées, on m'a demandé de prêcher à l'église de Maniwaki. Puis je lui ai dit, la plupart des prédicateurs, ils vont vous parler d'une portion des Écritures. J'ai dit, moi, aujourd'hui, je vais vous parler de la Genèse à l'Apocalypse. Ça fait que ça a été long, hein, Titi. Non, c'est pas vrai. mais moi, je veux juste dire, avant qu'il continue, on va se couper comme ça. Nous autres, on fait ça tout le temps, ça fait partie de notre vie. Fait qu'on a dit, on va être naturel, on ne fera pas comme si on était quelqu'un d'autre. On va manquer notre coup, ça ne marchera pas. Ça fait que je dis toujours, on est un couple ordinaire avec un Dieu extraordinaire. Amen. Ça fait que vous autres aussi. Y a-t-il une jeune fille de 14 ans ici? Merci. Elle est partie. Okay. Un jeune garçon de 15 ans. OK. Lève-toi donc debout, s'il vous plaît. Ça, c'est à peu près ce que j'avais de l'air quand que j'ai rencontré ma femme. Oui. Moi, je... Moi... j'avais 15 ans. C'est un bel âge, hein? Ouais. Moi, j'avais 14. Oui, merci. Merci. Il était beau. Il était aussi beau que toi. Il était encore beau. Il était aussi beau que toi. Puis il avait les cheveux plus longs. Au passé, hein? Non, mais il avait les cheveux plus longs que toi dans ce temps-là. Mais quand j'ai connu Michel, il avait les cheveux plus longs que ça aussi. Ah oui, ah oui, c'est ça. Moi, j'aimerais ça vous lire juste un petit passage. C'est le Seigneur qui m'a mis ça à cœur en m'en venant, là, de... Heureux, ben, c'est psaume 84, à partir du verset 5-6, là. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore, comme on a fait tantôt. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, dans certaines versions, ça dit la vallée des larmes, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. C'est vrai, ça. Le Seigneur fait ça avec nous quand on passe à travers des grandes épreuves. Ça fait que de notre plus grande épreuve, ben, voici notre témoignage. Comme j'ai déjà mentionné, Cathy et moi, nous nous sommes rencontrés. Elle avait 14 ans, j'avais 15 ans. Sortant de deux milieux bien différents, moi, j'ai grandi dans une famille catholique pratiquante. Alors que Cathy a grandi dans une famille catholique. Je vais le dire, moi, dans quelle famille. Non pratiquant. Ça commence déjà, je trouve, comme ça, c'est pas grave. Ça vous dérange-tu, ça? Si on chicane, nous-mêmes? Non? Okay. Mais j'ai oublié de vous dire que Kathleen, c'est ma concordance aussi. Quand je vous dis des versets, elle va dire la référence. C'est okay? Vas-y, chérie. Bon, mais moi, je viens d'un arrière-plan catholique non pratiquant. Mais j'avais une grand-maman vraiment pratiquante. Puis, je me rappelle pas là, qu'elle faisait des chemins de croix et tout ça, parce que moi, je viens de Maniwaki, la petite ville au nord de Gatineau. En fait, c'était comme un village dans le temps. Mais ce que je me rappelle de ma grand-mère, c'est qu'elle priait avec nous à tous les soirs. Puis, c'était pas nécessairement le « Je vous salue Marie » avec toutes le chapelet avec toutes les petites billes, là, mais je me rappelle qu'elle faisait toujours son acte de contrition. Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi, là? Oui, hein? On veut juste faire sûr que si on meurt pendant qu'on dort, on va être sauvé parce qu'on a demandé pardon à Dieu pour tous nos péchés, bon. Fait que, mais j'ai retenu de ma grand-maman qu'il y avait un Dieu vivant. Puis, elle nous enseignait des bonnes valeurs par rapport au mensonge, le vol, le respect. Chez nous, c'était un milieu familial très brisé, dysfonctionnel. Puis c'était la mère de mon père. Puis ma grand-mère voulait jamais qu'on parle contre nos parents. Elle disait, c'est pas facile, qu'est-ce qu'ils vivent? T'sais, elle essayait de protéger leur dignité sans approuver nécessairement leur comportement. Fait que juste un petit court... témoignage au sujet de quand j'ai entendu l'Évangile. Moi, j'ai été placée, j'ai été prise en charge par, dans le temps, c'était les services sociaux. Aujourd'hui, c'est les départements de la protection de la jeunesse. Et puis, j'ai été placée dans un foyer de groupe. Je n'étais pas une délinquante agressive, j'étais plus une délinquante passive, brisée par le manque d'amour, de structure. Puis, c'est là que j'ai rencontré Gaston, puis j'avais 14 ans. Puis nous, on se disait, un jour, on va se marier, puis on va aller dire qu'on va avoir des enfants. Puis on s'était quasiment jurés un à l'autre à cet âge-là. Là. On était très dépendants. Moi, je travaillais à temps plein déjà. J'avais quitté l'école, j'avais 14 ans. Fait que j'avais ma job à temps plein, je pouvais en faire vivre. Mais on ne vivait pas ensemble, là. Quand même pas avant 16 ans, quand même. Tu sais. Mais En ce qui concerne la religion, mes croyances, je croyais qu'il y avait un Dieu vivant. Je croyais, j'avais peur de mourir depuis ma tendre enfance. J'avais peur de mourir. J'avais déjà entendu parler là, à Maniwaki à un moment donné qu'il était pour avoir une grosse tornade, puis que c'était dangereux. Bien, moi, je ressentais ce vide-là. Je vais où si je meurs? C'est quoi qui se passe? J'ai peur. Puis, vers l'âge de... C'est-tu ton tour? Pousse-moi, hein? Pince-moi. Moi, je suis l'extrovertie. Je parle toujours plus. Fait qu'il faut qu'il m'arrête. Mais c'est ça. Fait qu'à l'âge de 16 ans, j'ai quitté le foyer de groupe. C'était correct. J'étais considérée autonome. Fait que je suis allée vivre avec Gaston. On s'est accotés. Puis, à 17 ans, on a eu notre premier enfant. On est allé vivre chez Jean-Louis puis Denis, c'est leur faute. Oui, c'est leur faute, c'est ça. C'est mon beau-frère et ma belle-sœur, là. C'est nos grands amis. Ils ont été un grand support pour nous dans ce qu'on a vécu. Puis, on les a entraînés avec nous. Mais c'est ça, on est allé vivre ensemble. Puis, on a eu Georges avant de se marier. Puis, à 17 ans, on a eu Georges. À 16 ans, on vivait ensemble. À 17 ans, on a eu Georges. À 18 ans, on s'est mariés. Puis à 19 ans, j'ai entendu parler de l'Évangile, la première. Puis il y avait des gens qui étaient... J'étais chez ma sœur, puis ils sont venus chez nous. Puis ils ont dit, « Crois-tu où tu vas quand tu vas mourir? » Mon doux, il me pose une question que je me posais déjà, mais j'ai pas de réponse, je sais pas. Mais c'est juste pour dire que tranquillement, ils nous ont amenés, ils sont venus nous visiter chez nous, puis ils nous ont enseigné avec la parole de Dieu que j'étais perdue sans Jésus-Christ, qu'il y avait la solution à ma question de « qu'est-ce qui arrive si je meurs? » Puis que Dieu m'aimait, que Dieu avait envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour moi. Puis le verset vraiment qui a sonné dans mon cœur, c'est Jean 14, 6, là. Vous l'avez là? Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Puis, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'est un cadeau, c'est gratuit. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Fait que là, ça faisait un conflit avec ce que j'avais déjà entendu par rapport à faut faire des bonnes œuvres pour être assez bon pour aller au ciel. Mais Dieu, dans sa grâce, m'a convaincu par son Esprit Saint que j'étais pécheresse, perdue, sans lui, que j'avais besoin de me repentir, de lui demander pardon, de le recevoir comme mon sauveur personnel. Puis, instantanément, j'ai eu l'assurance de mon salut. J'ai été sauvée, puis ma vie, elle a changé. Moi, dans le même cheminement, j'ai grandi dans une église catholique. J'ai grandi dans une famille catholique avec un père qui était très pratiquant. Mon père, il est presque devenu un prêtre. C'est juste au moment qu'il a rencontré ma mère que j'en ai son idée. Mais il s'ennuyait pour la prêtrise. Alors, juste pour vous donner une idée, que c'était très religieux dans notre entourage. Et je dis religieux, je fais une différence. Quand on dit pratiquant, c'est pas toujours c'est des bonnes œuvres qui est en pratique, mais c'est plutôt l'exercice d'aller à l'église régulièrement. Okay. J'ai grandi dans un contexte comme ça, mais j'ai grandi dans un contexte où que j'avais aucune relation avec mon père. Jusqu'à un moment donné, après que je me suis donné ma vie au Seigneur, puis je me disais ça, je me rappelais d'aucun événement d'avoir joué avec mon père. Aucun. J'ai dit ça n'a pas de bon sens. Je dois en avoir oublié des bouts. Je suis allé valider auprès de mes autres frères et sœurs et ils me l'ont confirmé. Alors j'ai dit, oh, pas pire. Je pensais que j'étais en première fois un petit peu, mais jusqu'à date, je te connais. Mais j'avais eu aucune relation avec mon père. Un, pas de relation avec mon père. Deux, mon père était dans une pratique religieuse. Et trois, moi, j'étais un enfant très détestable. Quand j'étais plus jeune. Encore, mais la grâce de Dieu me couvre. Dans ce sens que j'étais un faiseur de coups. Je faisais des coups partout où je passais. Puis en plus, ma parenté sur le côté de ma mère, c'était des hommes forts, rough. vulgaire. Ouais, vulgaire aussi, mais sur qui avait, à mes yeux, c'est comme ça que je devrais devenir. Mais pour eux, je montais dans leur estime, plus que je faisais le mal, plus que je faisais le coup, plus que je montais dans leur estime. Fait que ça venait une troisième pierre. Pas de relation avec mon père, je suis détestable, mais c'est ça qu'il faut que je fasse pour être aimé. Et jusqu'à ce que j'ai rencontré Cathy, que j'ai appris vite à aimer, le Seigneur a permis qu'on s'attache l'un à l'autre assez rapidement. Et malgré ce cheminement-là, dans ma jeunesse, je trouve que tout le long, le Seigneur il a eu sa main sur moi, quand même. Quand même, je ne le connaissais pas, quand même, je ne choisissais même pas de le suivre. Mais après la conversion de Cathy, Cathy a donné sa vie au Seigneur, a reconnu son état de péché, son besoin de Jésus, en janvier 78. Fin 78, début, oui, c'est ça, genre. Il ouais. ne faut pas que je sois trop épineuse, là, ça ne paraît pas bien. En tout cas, la même année, elle en janvier, moi en décembre. C'est ça. Fait qu'il y a 11 mois de différence entre les deux. Je calcule ça comme du monde. Ah, oui. Okay. Mais quand que, après que Cathy a compris l'Évangile et qu'elle s'est mise à appliquer ça dans sa vie, déjà ça faisait une différence dans notre foyer, malgré son insécurité et tout ça. Et moi, j'ai commencé à lire les Écritures aussi, puis là, j'ai commencé à dire que c'était vrai. Je faisais le tour de ma parenté, puis à coup de poing sur la table, je prêchais l'Évangile. Parce que c'était simple à comprendre, puis il fallait que tout le monde comprenne. Mais moi, je n'avais pas compris encore. Mais en décembre, j'aimerais juste souligner que les gens qui ont cogné à la porte chez nous, auxquels Cathy a parlé, c'est Jibec. Oui, dans le temps, c'était Jeunesse en mouvement. Dans le temps, c'était Jeunesse en mouvement. On est un fruit de ça. On est un fruit du ministère de Jibec. Gloire à Dieu pour ce ministère-là. Je m'en allais avec ça. Tu t'en allais parler de ton salut. OK. Attends une minute, là. Oui, c'est alors, ça. Alors, moi, j'ai pas eu de difficulté à croire que j'étais un grand pécheur. Je saisissais toutes les occasions pour faire le mal. Pourquoi, vous vous rappelez? Je t'ai aimé comme ça. Alors, quand on me dit que je devrais... réaliser que j'étais pécheur, ça, c'était pas une grosse job pour moi. J'ai fait ça assez rapidement. 2+2 dans ma tête. Mais que je devais donner ma vie et reconnaître que Jésus était mort pour payer ce péché-là. Sachant un petit peu que ce que j'avais fait, je me suis dit, personne ne peut payer pour les péchés que moi j'ai faits. Alors, j'ai été sceptique pendant un an. À un baptême à Gatineau, lorsque Guy Lavoie prêchait l'Évangile lors du baptême, j'ai compris là, que si Dieu m'aimait, c'est pas parce que je faisais le mal, mais c'est non plus parce que je faisais le bien. Dieu m'aimait à cause que c'est ça qu'il avait choisi et que ça n'avait aucun rapport avec ce que je faisais ou ce que je ne faisais pas. Et c'est ça qui m'a amené au pied de la croix. Pour dire, Seigneur, pardon. Pardon pour les fautes. Pardon pour mes péchés. Je suis capable d'aller puiser de l'amour maintenant auprès de celui qui m'aimait pour les bonnes raisons. Qui m'aimait juste parce que j'étais moi et personne d'autre. Gaston, lui, il était très, très vaillant et travaillant. Il était beau aussi, mais il était vaillant et travaillant. Il était beau, il était vaillant, était travaillant. Oui, mais là, bon, il était travaillant. Gaston, là, il était éboueur. Ben oui, il est plus éboueur, il ne sera plus capable. Mais pendant 36 ans, j'ai mené une vidange. Mais. Jean-Louis vient le chercher. Mais il était, j'étais fière de lui. Puis quand j'ai commencé à fréquenter Gaston, mon père n'était pas nécessairement fier que sa fille, même si chez nous c'était dysfonctionnel, moi, mon père était alcoolique. Puis ma mère, suite à une psychose, est devenue narcomane. C'est que j'ai tout reçu pour être une personne dépendante de n'importe quoi. Mais Gaston, il était vraiment... je le trouvais fort, je le trouvais courageux. Il travaillait des grandes heures. Je l'ai connu comme ça. Il travaillait des longues heures. Il partait tôt le matin, 4h30, 5h, avec son oncle. Puis il partait pour la journée, puis il travaillait, puis il ramassait des déchets, puis il se faisait bronzer la poitrine quand il faisait beau et chaud. Dans le temps, il n'avait pas besoin de porter de T-shirt. Mais... ce que je voulais dire avec ça, c'est que moi, personnellement, j'avais rien reçu pour être une maman, une bonne maman. Puis, je crois pas qu'on peut toujours se fier à notre instinct, parce que notre instinct aussi a été brisé par le péché. Puis, si c'était juste de se fier à notre instinct, il n'y aurait pas de prison pour les femmes qui abusent de leurs enfants. Puis, c'est ça. Fait que... Quand mon insécurité prenait le dessus avec mon premier enfant, fait que je ne savais pas comment bien l'aimer, mais je ne l'abusais pas. Là. Mais j'ai dû apprendre à élever mon enfant en priant. Seigneur, aime mon enfant à travers moi. Donne-moi de la sagesse, donne-moi du discernement. J'ai assez pleuré, moi, là. Je pense que j'ai pleuré 20 ans de ma vie, chrétienne, parce que mon insécurité puis mes craintes prenaient beaucoup de place, puis mon sentiment d'incompétence était très, très puissant dans ma vie. Mais je me tournais toujours vers le Seigneur Jésus. Puis, on a eu deux autres enfants. Puis j'ai fait la même chose. C'est sûr que je prenais de l'assurance. À l'église, on avait un ministère auprès des jeunes mamans, des jeunes femmes. J'ai reçu beaucoup d'aide des femmes plus vieilles que moi, un peu plus vieilles que moi, pas beaucoup. On était une jeune église. Mais j'ai lu beaucoup. Le Seigneur m'a donné une passion pour la lecture. J'ai lu beaucoup des livres qui m'ont aidée, d'autres qui m'ont fait beaucoup de tort, écrits par des auteurs chrétiens. Je suis incapable qu'on vienne m'enseigner quelque chose de légaliste qui me met dans une position de me sentir coupable davantage ou de honte. J'avais besoin vraiment de goûter à des livres qui m'encourageaient, qui avaient de l'espoir, qu'avec Jésus, j'étais pour être capable, que je pouvais accomplir des choses, mais pas toutes les choses. C'est que Gaston était toujours un père assez présent malgré... ces longues heures de travail. Là, on commence à vieillir un peu. Là, on est dans vingtaine. On a nos trois enfants. On a nos trois enfants. À 23 ans, ligaturés, trois enfants. Une fausse couche. Plus de TV. On a mis la télévision dehors. Non, c'est pas vrai. Mais c'est ça. Puis aussi, je me suis attachée vite à servir le Seigneur parce que, ben, tu sais, on veut être là où sont nos enfants. Ça fait que servir à l'école du dimanche... J'étais tellement gênée, poignée, comme une réclisse, là, quand la personne qui était là voulait m'enseigner comment enseigner, là. J'étais pas capable de rire de moi, là. J'étais vraiment insécure. Mais Dieu, dans sa bonté, m'a enseigné de grandes leçons. Je suis restée à l'école du dimanche au-dessus de 20 ans, là. Puis, je travaille encore avec les enfants, même dans mon travail quotidien. Mais, Gaston, ben, je vais te laisser parler de ton travail, là, ton cœur de... Quand je vous parlais de mon oncle, un de mes oncles tantôt, mes oncles, presque tous du côté de ma mère, viennent d'une famille de bûcherons. Alors oui, c'était des hommes forts. Et il y a une compagnie de déchets qui s'appelait Grand Sanitation dans le temps, qui avait 10 employés, puis il y en a 9 dans ma parenté. Fait que j'ai suivi le flot. Et... j'ai commencé à travailler pour eux. Ça a fait, oui, de moi un homme fort, un homme vite, capable de lever des tonnes à tous les jours, une trentaine de tonnes, 40 tonnes des fois dans une journée. Puis j'étais fier de ça, moi, j'étais tout jeune. Mais ça m'a conduit quand même à aimer, ça m'a conduit un petit peu à de la performance, parce que dans les entreprises privées, il faut que tu produises aussi. Alors, j'ai appris là à performer, en compétitionnant avec mes cousins, mes oncles, qui faisaient la même chose que moi. Mais après ma conversion, oui, j'ai voulu aussi m'impliquer dans l'Église. Et on a touché, à travers les années, presque tous les ministères. De l'entraide à la jeunesse. J'ai été au conseil de l'Église pendant plusieurs années. On s'est mis à prendre des cours. Il y avait même un ancien de notre Église, quand la première fois que je me suis inscrit à un cours, parce que quand je me suis converti, j'avais les cheveux ici, à peu près. Tu as dit que tu étais plus long que les tiens. Mais on m'avait dit, toi, tu ne seras jamais capable de prendre un cours de Sambec. Mais pour moi, on me lançait un défi. Fait que j'ai pris un cours de Sambec, j'ai bien réussi. J'en ai pris plusieurs autres, je les ai bien réussi aussi. Mais j'ai tombé dans la performance. À l'Église, je performais. À l'ouvrage, je performais. Et je croyais, en tant que chrétien, encore plus, je devais performer. Parce que je devais le faire pour la gloire de Dieu. Non? En plus. C'était pas en plus, mais à ce moment-là, c'est le même que je le comprenais. Alors, je travaillais plus longtemps, plus longues heures. J'étais plus engagé dans mon travail, fait que j'étais plus épuisant. À l'Église, j'avais un travail, je vous dis, les dernières 8 ans, je n'ai pas connu une semaine en bas de 80 heures. Mais là, tu es bien longtemps avant ça. Mais là, je suis longtemps avant ça. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, parce que j'ai quand même eu le privilège, à cause de ma performance, de monter les échelons dans l'entreprise. Et quand j'ai terminé, j'étais rendu directeur. Ce qui, comme vous savez, ceux qui sont sur le marché du travail, une fois rendu dans la direction, ce n'est pas un temps de s'asseoir et relaxer. Faut que tu continues à performer. Et après que j'ai commencé à franchir les échelons, j'ai, à ce moment-là, décidé de retourner aux études. Parce que vous vous rappelez, j'avais 14 ans. Alors, la première journée que mon fils aîné a commencé l'école, nous étions toutes les deux à l'arrêt d'autobus avec notre boîte à lunch. Lui commençait à l'école, puis moi aussi, je retournais aux études. Fait que c'était un petit highlight dans notre vie de famille. Mais c'est ça, je suis retourné aux études, je suis allé faire mon secondaire. J'ai fait une technique en administration, finance informatique au Collège de l'Outaouais. Après ça, je suis retourné pour la même compagnie. Ils m'attendaient. Et j'ai commencé à performer dans la direction. Jusqu'à m'épuiser. M'épuiser sérieusement. OK. Gaston, quand il faisait ça, puis il travaillait beaucoup d'heures comme ça, parce qu'il était tombé dans un piège qu'il ne savait pas, c'était vraiment l'ignorance là, de performance. Puis lui, à l'église, on l'appelait le pompier. S'il y avait des personnes en crise, n'importe quelle heure de la nuit, on appelait chez nous. Et Gaston était là, let's go, on va s'occuper de ça. C'était pas tout mauvais, parce que ses intentions n'étaient pas mauvaises, mais c'était pas sain, l'excès de ça. Puis moi, parce que je n'avais pas connu d'autres choses, je ne me plaignais pas, moi, du travail et des heures de travail de mon mari, parce que moi, je ne savais pas c'était quoi, là. Mon mari partait à 8 heures, revenir à 4 heures, ou partir à 9 heures, puis revenir à 5h30. Pour moi, j'étais plus reconnaissante du fait qu'il y avait un travail, puis pourvoyait à nos besoins, puis il n'était pas paresseux, puis il était vaillant. Puis c'était plus mon attitude, fait que ça m'a pris beaucoup de temps à voir le danger venir. J'ai fini par le voir, là, mais ça m'a pris beaucoup de temps à le voir venir. Puis je pouvais voir aussi sincèrement l'amour que Dieu mettait dans nos cœurs, à toutes les deux, pour nos frères et sœurs dans la foi, pour lui. Mais on est des êtres humains déséquilibrés. On a souvent les plus grandes faiblesses de nos plus grandes forces. En fait, pas souvent, tout le temps. Puis, je vais juste regarder mes notes une minute. OK. En attendant, juste dire l'image que notre chaîne est toujours aussi forte que le plus faible de nos maillons. Oui, c'est ça. Alors, mon maillon ma faiblesse était mon dévouement au travail et à l'Église. Et ma chaîne, elle attendait juste de rompre. Puis Gaston, quand nos enfants avaient des joutes de football, là, ben pas football, là, ils n'ont pas joué au football, mais baseball, soccer, Gaston, il manquait pas ça, lui. Il quittait le travail, il venait regarder la joute, puis il retournait travailler. Comme vraiment, ça n'a pas eu un impact si grand que ça sur les enfants. Puis juste pour dire, là, quand notre fils le plus vieux a eu 20 ans, il étudiait à NBBI au Nouveau-Brunswick, bien Gaston est parti de chez nous à Gatineau. Il est allé le chercher pour souper. Il ne savait pas, là, lui, évidemment. Il est allé souper avec lui. Il l'a ramené au collège, puis il est revenu chez nous. Comme, c'est juste pour dire à quel point... Comme, tu sais, c'est noble, dans le sens que, tu sais, c'est pas tout mauvais, là. Mais c'est juste... Démesuré. C'était démesuré. Moi, à un moment donné, je me dis, bon, ça n'a pas de sens. À un moment donné, il va faire un peu le poteau. C'est ça. Mais toujours, Dieu, dans sa grande bonté, mettait de l'amour dans mon cœur pour les autres. Pour Gaston. On a eu nos prises de bec, là. Moi, je dis, on est le sel et le poivre, tu sais. Moi, j'ai toujours été le poivre, mais là, en vieillissant, ça peut après virer, là. Ça change de couleur. Puis lui, le sel, je suis l'extroverti, il est l'introverti. Puis moi, je suis celle qui tire, puis lui est celui qui pousse, tu sais. C'est vrai! J'ai pensé qu'on pourrait s'identifier un peu ici, là. Il y aurait du monde comme nous autres. J'ai pensé à ça tantôt quand je vous regardais. Tu vois, ils nous ressemblent pas mal, eux autres, là. Mais un amour pour sa parole aussi, un amour pour la parole de Dieu. Puis nous, on a été élevés, moi je dis comme disciples, là, parce qu'on a été plus souvent, plus jeunes, voyons, plus d'années sauvées que pas. Mais on a été vraiment éduqués qu'il fallait que tu ailles à tous les cultes, le matin, le soir, le mercredi, là, s'il y avait d'autres choses, il fallait que tu y ailles. En tout cas, là, nous autres, notre horaire était plein à part de son travail, puis les activités des enfants, puis l'école, puis heureusement que moi, j'étais à la maison. Puis j'étais à la maison, j'étais malade. J'ai dû avoir une chirurgie lombaire qui m'a endommagée davantage, puis qui a causé que je vive avec de la douleur chronique, qui s'est développée en fibromyalgie pendant 20 ans. Ça fait que ça l'a mis un stop à mon zèle à moi assez rapidement. Dieu n'a pas permis que je devienne amère, mais j'ai lutté avec les sentiments de culpabilité depuis être capable d'être partout et dans tout. Comme si c'était ça que Dieu regardait, comme si c'était ça qui était important. Ça m'a pris du temps à apprendre. C'est important que vous sachiez qui on est avant de vous dire où on est passé. Fait que là, Gaston, les promotions et les déménagements. Alors que, comme je vous disais, je suis rendu directeur chez Waste Management et je faisais... Je m'occupais d'une succursale à Elmer, dans l'Outaouais, à Gatineau. Et pour moi, les choses allaient tellement bien que j'étais capable de régler les problèmes avec mes employés. J'étais capable. J'avais pas besoin de toujours aller à mon boss pour dire si ça. Mais de l'autre côté de la rivière, qui était mon patron, ils ont interprété ça comme si j'avais pas grand-chose à faire. Alors, un jour, on m'a rencontré, on me dit. Il y a un poste à Longueuil, tu devrais appliquer. Mais j'ai dit, qui va s'occuper de ma succursale? Il dit, on va juste la rouler du titre, on n'a plus besoin de personne. Fait que j'ai un petit peu fait 2 plus 2 égale 4. Tu t'en vas ou tu n'as plus rien? Tu t'en vas ou tu t'en vas. Ouais. Mais en même temps, c'est un défi. J'ai dit, j'ai appliqué sur le poste, je l'ai eu. Fait que la compagnie m'a déménagé à Longueuil. On a habité à Saint-Hubert pendant une année. Je dis une année parce que à l'intérieur de l'année, là où que j'étais avant, c'était en train de tomber à ruine et la compagnie a demandé que je retourne. Fait que je suis retourné. Il y avait les moyens, ils nous déménageaient. Là. C'est top, ça. À chaque fois, on vendait notre maison, on achetait une autre maison. Je dis à chaque fois, mais là, ça fait rien qu'une fois, ça n'a pas de l'aspect. Hein. Mais après ça, je suis rendu là-bas. Un an plus tard, on m'a demandé de m'en aller à Québec parce qu'il y avait une succursale là qui était financièrement dans le trouble. Et j'avais 3 ans pour la mettre en place pour vendre. Fait que là, on m'a déménagé à Québec. On n'a plus nos enfants à la maison, ils sont tous aux c'est études ça. À temps plein au Nouveau-Brunswick. Au collège, au Nouveau-Brunswick, c'est ça. Fait que là, ça faisait le troisième déménagement en 2 ans. Je suis allé à Québec ça nous a pris 2 ans pour sortir de l'entreprise du pétrin. Là, on m'a demandé, parce qu'on n'avait plus besoin de la troisième année, on était capable de vendre la succursale. Là, on m'a demandé de m'en aller dans les Laurentides. Fait que là, nous, ayant toujours grandi à Gatineau, dans l'église de Gatineau, notre conversion, notre service, tout notre dévouement était là. Ça nous a amené à Longueuil, où qu'on a essayé. Moi, j'ai essayé de m'impliquer un peu dans l'église. J'étais nouveau, je ne connaissais pas énormément de monde à ce moment-là. Mais j'ai réussi à m'impliquer. Pour Cathy, ça a été plus difficile à cause de son insécurité, comme elle vous a conté tantôt. Et là, on venait de se détacher de notre famille. Mais rendu à Longueuil, c'est ça, là, on a retourné à Gatineau. Mais une fois retourné à Gatineau, l'année d'après, les postes que nous, on avait là-bas, ils avaient été comblés. À l'église. À l'église, là. La vie a continué à l'église. C'est ça. Fait que là, nous autres, c'est une question de se remettre dedans. Mais à ce moment-là, on a fallu qu'on parte pour Québec. Fait que pas eu le temps de se remettre là non plus. Là, on est rendu à Québec. On a été à l'église de L'Espoir. Chauveau un petit peu. Là, on a appris que l'église de l'Espoir n'était pas loin de chez nous. Fait qu'on est allé là. On s'est impliqué un petit peu là. Oups, il fallu relever l'ancre, partir pour les Laurentides. On m'a déménagé à Sainte-Sophie. Alors, moi, j'ai commencé à travailler là-bas. J'ai voyagé pendant un mois, Québec-Sainte-Sophie, les fins de semaine. Et j'étais toujours à l'hôtel. Là, à ce moment-là, Cathy devait commencer à venir avec moi là-bas chercher une maison, parce qu'on avait vendu la nôtre à Québec maintenant. Là. Pendant qu'on était à Saint-Jérôme, à l'hôtel, magasiné pour une maison, mon patron m'appelle et me demande si je voulais aller éteindre un feu à Ottawa pour 3 mois. Moi, je suivais, là. Go! Ouais. Moi, j'ai dit conditionnel à ce que ma femme ne reste pas dans les Laurentides pour déchapper pour une maison, que ça vienne avec moi et on reviendra après. Fait que c'était accepté, on est parti pour Ottawa. Et après 6 mois, on était encore là, on n'en parlait pas, fait qu'on a quand même décidé de s'installer à Ottawa. À Gatineau, oui. Puis, je ne suis pas retourné à Sainte-Sophie. Là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que d'être sorti de notre zone de confort, de notre église où on avait été pendant presque 30 ans, 25 ans, moi, j'ai fait face à beaucoup de craintes. J'en venais pas, là. Mais Dieu, dans sa bonté, là, a permis que je fasse face à ça parce que ça me paralysait sans que je le sache au niveau de ma fibromyalgie, entre autres, là. Mais quand je suis arrivée à Saint-Hubert, lui, il travaillait beaucoup, fait que ça n'affectait pas trop parce qu'il était toujours dans le même milieu de performance, de travail. Les hommes, ça vous valorise le travail. Moi, c'est plus les relations, fait que là, j'en avais vraiment pas gros. Puis je me sentais vraiment, vraiment insécure. C'était maladif, là. Mais j'essayais quand même, puis j'allais à l'église, puis j'allais aux quelques rencontres de femmes qu'il y avait. Puis, à un moment donné, le Seigneur, je priais, puis je disais, Seigneur, ça n'a pas de bon sens, je suis de plus en plus malade, là. Je pouvais être au lit 2 semaines. Puis, mes enfants étaient toujours aux études à l'extérieur, fait que je pénalisais pas mes enfants. Puis, Gaston, lui, à l'heure qu'il arrivait, il avait quasiment déjà soupé. Mais là, ça commençait à avoir un impact sur moi, ces grandes heures. Parce que là, je n'avais plus les enfants, je n'avais plus la vie d'église, la famille proche. C'était comme, j'étais toute seule. Fait que Dieu, dans sa bonté, m'a montré que j'avais un sérieux problème avec la crainte des hommes, hommes-femmes, là, on s'entend, là. Je n'avais pas peur de me faire sauter dessus là, par un homme. Mais tellement que ça me paralysait. Puis quand, je ne sais pas pourquoi il faut que je dise ça ici, mais je n'ai pas dit ça là-bas. Quand j'ai confessé mon péché de crainte des hommes, je craignais plus les hommes que je craignais Dieu. Leur opinion, puis c'était comme caché dans le fond de mon cœur, là, dans les arrière-coins. J'en ai vomi quand j'ai confessé ce péché-là. Puis le Seigneur a commencé à me redonner la force d'être capable de rentrer en relation sans laisser la crainte de l'opinion des autres prendre le dessus sur moi. Mais là, j'ai commencé à ressentir quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant pour le travail de Gaston. Et bien, c'était pas compliqué, je l'haïssais. Comme, je le disais pas de même tout de suite, là, parce que j'étais bien trop une bonne chrétienne. Là. J'essayais de camoufler ça un peu, là. Sa job est exigeante, voyons donc. Puis, mais à un moment donné, là, c'était comme, écoute, là, je l'ai eu ta job, là, j'en ai mon truc, OK? Mais, je veux juste voir, Gaston. OK. Là, je sentais qu'on était moins connectés, que notre intimité était brisée, que j'étais plus aussi prête à l'appuyer là, dans tout ce que Waste Management, il utilise comme un pion, tu sais. Puis j'essayais de donner des mises en garde à Gaston. Mais à ce point-là, Gaston, il n'écoutait plus. Les dangers du cœur qu'il n'écoute pas. C'est ça. Ça m'a amené à un point où que je continuais à faire toutes ces heures-là au travail. Puis vu que c'était un nouveau poste, une nouvelle ville et tout ça, je devrais y mettre les bouchées doubles. Je ne réalisais pas que je les faisais déjà doubles. Mais là, quand j'arrivais à la maison, là, c'était plus aussi facile que c'était avant. J'étais à cause des réalisations de Cathy. Ces exigences ont augmenté alors que moi, je croyais faire les bonnes choses. Et ça m'a un petit peu retenu à l'ouvrage pour un temps. J'étais très exigeante, là. Comme c'était pas comme, ouais, moi, je vais commencer à être exigeante de même. Non, c'était comme, là, j'étais là. C'était comme. Alors, là, j'ai commencé à penser, OK, mais je vais en faire un petit peu plus à l'ouvrage parce que j'avais pas pensé comme ça encore, là. Et ça l'a fait en sorte que notre relation a commencé à s'effriter un peu. Puis aussi, Gaston, il avait la pensée que, ben là, écoute, là, moi, si je suis capable de le faire, tout le monde est capable de le faire. Là. Regarde, moi, que je suis, là, tu sais, je suis un petit prout, là, moi, je suis capable de faire tout ça. Il changeait, là, dans sa façon de parler, puis il était pensé, puis il était, son cœur s'endurcissait, en tout cas, d'une façon plus évidente, parce que ça commence toujours à l'intérieur, puis à un moment donné, ça sort, ça paraît. Puis moi, je pense toujours au verset qui dit, dans le français courant, ça dit « Prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car toute ta vie en dépend. » J'ai oublié un bout. « Prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car toute ta vie en dépend. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Proverbe 4, 23. Puis là, le Seigneur commençait à me montrer que ce que j'haïssais vraiment, c'était pas la job à Gaston. C'était Gaston. Mais ça valait plus beau si je disais que j'haïssais sa job. Mais j'haïssais pas tout de Gaston. J'haïssais son raisonnement par rapport à la job puis à sa fermeture pour écouter les avertissements. C'est 2005. Alors, dans la période que j'ai voyagé de Québec à Saint-Jérôme a été une période qui était quand même assez longue pour être toujours à l'hôtel. J'étais au Best Western. Et alors, tu vas travailler, tu déjeunes au resto, tu vas travailler, tu dînes au resto, tu vas travailler. Tu soupes au resto, tu vas te coucher, tu déjeunes au resto. Fait que là, j'étais au resto de l'hôtel assez régulièrement. Et il y avait une serveuse qui cherchait à attirer mon attention. Et c'était pas n'importe quel genre de femme. C'était une femme qui cherchait vraiment à attirer mon attention. Et j'ai refusé ça. Je me suis dit, alors je ne peux plus rester assis ici. Là, je me suis retiré du bar pour rencontrer 5 machines. 5 machines de gambling. J'ai dit, 15, je vais m'asseoir. Ouais. Je me suis assis devant une machine pour passer un petit peu le temps qui me restait avant d'aller me coucher. J'ai mis 20 $ dedans la machine. Et j'ai gagné $500 en 5 minutes. Tabarouette, je dis, m'essayer ça encore. Mais quand je suis parti pour aller me coucher ce soir-là, non pas j'avais remis le $500 que j'avais gagné, mais j'avais aussi donné $1,500 qui étaient dans mon compte de banque. C'était le début de mon calvaire. Ou que pour une raison quelconque, c'est venu tasser de côté les problèmes que je vivais et en quelque sorte d'en créer un autre, mais qui était spontané. T'sais. Ça l'arrivait. Je pouvais relaxer devant ma chaîne. Je trouvais ça moins stressant là qu'essayer d'éviter une flirt avec la serveuse. Mais je me suis fait royalement pogner. Là, on est en logement meublé en transition pour acheter notre maison à Gatineau. Puis là, vraiment, là, quand lui est pris dans le jeu, moi, je ne sais pas. Moi, ah, je connais, c'est ça, moi, courage. Moi, je ne connais rien là-dedans, là, gambling. Moi, jeu de cartes, là, je n'aime pas ça jouer aux cartes. Là. Pendant quand je sortais avec Gaston, là, on allait chez eux, ils jouaient aux cartes là, des heures l'après-midi. Moi, ça m'a pris comme 5 ans à apprendre à jouer au Romain Saint-Saint. C'était vraiment pas du tout une passion pour moi. Là. Donnez-moi un café avec une bonne conversation, là, je comprends, puis j'aime ça. Mais les cartes, là, non. C'est que le jeu, puis jouer aux scènes, puis jouer en dessous de la terre, en tout cas, c'était vraiment là, comme si tu m'avais parlé un chinois. Mais ben, il ne m'a pas parlé de ça tout de suite. En octobre, là, on a acheté notre maison sur la rue Matapédia à Gatineau à l'automne 2005. Puis là, à un moment donné, nous, on n'avait pas de dette. On n'avait pas de dette d'auto. On avait la maison, là, tu sais. Puis Gaston faisait un bon salaire, puis les enfants, on payait les études des enfants. Puis là, je reçois un état de compte de la banque, puis c'était marqué. Notre marge de crédit était 20 000 dans le rouge. 20 000 dans le... Mais là, moi, j'ai dit, je lis pas bien. Certains, mon cerveau, il fait des... ça marche pas, là. Fait que là, j'ai appelé mon fils, j'ai dit, coudonc, viens donc valider que ce que je vois, c'est vraiment ça, là. Puis là, il dit, oui, maman, coudonc, qu'est-ce que vous avez acheté? Moi, j'ai rien acheté pendant tout, là. Là, j'ai appelé Gaston au travail, puis là, j'ai dit, hey, il y a une femme, t'as une femme dans ta vie, puis elle coûte cher en tabarouette. Je t'assure, là, que c'était une femme, là, comme moi, là, le jeu pensait à ça, là, l'héroïne, la cocaïne, non, vraiment pas. Mais là, puis là, j'étais viens à la maison, je vous apprête, là, tout n'importe quoi d'autre, là, c'était comme, il est rendu en bas de zéro dans mes priorités à moi. Fait qu'il a dit, non, calme-toi, je sais pas une autre femme, j'ai gamblé. Mais moi, là, c'est encore, c'était comme s'il m'avait dit, oui, non, j'ai gamblé. Non, mais c'est vrai, quand tu connais pas ça, là. Mais la madame, aujourd'hui, elle connaît ça. Tout sur le gambling. Je connais ça. Je me suis vraiment instruite. J'ai souffert pour apprendre, mais j'ai appris. Mais, puis aussi, il faut que je dise que quand Gaston, ben dis-le que tu es venu à la maison, puis tu nous as demandé. Je t'ai toujours dit quoi dire, c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Non, mais j'avais dit à Gaston, là, tu vas le dire aux anciens, c'est nos amis à l'église, là, puis il faut que tu te mettes en position de redevabilité, puis là, bon. Finalement, lui, il nous demande tout pardon. Puis moi, ben c'est fini, c'est réglé. J'étais encore bien naïve, là, mais ah, ben il nous a demandé pardon, c'est fini, c'est réglé, il ne ferait plus jamais ça. Il l'a dit à ses amis, les anciens à l'église, parce qu'on était... On fait partie des meubles, là. Nous autres, on fait partie du début de l'Église. Fait que... Mais c'était pas fini. C'était devenu une dépendance dans ma vie que personne n'aurait pu deviner, en commençant par moi. Quelqu'un m'aurait dit que j'aurais passé là un jour... J'aurais mis toutes sortes de preuves sur la table comme quoi que c'était pas possible. J'avais besoin d'apprendre quelque chose. Et j'ai dû passer là. Vous savez, les amis, j'ai été attiré aussi simplement comme je viens de vous le mentionner. Aujourd'hui, c'est prouvé que le jeu est une dépendance aussi puissante que la cocaïne et dans la vie d'un individu. Et le crack. Alors, quand on parle d'addiction, de dépendance, on peut en faire toute une liste. On connaît les plus grandes. On connaissait l'alcool, la drogue. Le sexe. Le sexe. La porno avec l'accessibilité aujourd'hui. Facile. Mais le jeu, on entendait parler un peu, mais on pensait que c'était spécifique à un individu. Ça ne touchait pas tout le monde. Mais croyez-moi qu'on a toute une disposition à une dépendance. Puis on ne le sait pas... Laquelle? À laquelle? Parce que notre âme soupire après Dieu. Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Puis si ce soupir-là n'est pas rempli par Jésus-Christ, il est rempli par d'autres choses. Puis dans notre société de rapidité, de vite, vite, vite, d'horaire chargé, d'iPad, iPod, toutes les « I », là, des fois je dis « I don't know » parce que je ne sais pas comment ça marche, là. Mais on ne ressent plus notre soif de Dieu. Regarde, c'est important de ressentir ma soif de Dieu. Il faut que je la ressente pour vouloir aller m'abreuver. Mais en tout cas, quand je pensais que Gaston il était rendu correct, à l'automne 2017, il y avait eu un souper de Noël, ça faisait quasiment 2 ans, là. Moi, je pensais qu'il était correct. Il y avait toujours un souper de Noël à son travail. Puis, il était sous le comité organisateur. Puis, en tout cas, je suis allée au souper de Noël avec lui. Puis, j'ai demandé de me ramener à la maison parce que là, moi, je suis encore malade, là. Je souffre beaucoup de fibromyalgie. Puis, en fait, je souffre beaucoup plus parce que ça va pas, là, en dedans de moi, là. Puis pour la première fois de notre vie, depuis l'âge de 14 ans et 15 ans, sauf pour aller pour de la formation ou des cours de Sambec, Gaston n'est pas rentré. Il m'a ramené à la maison parce que j'étais épuisée. Puis parce qu'il était sur le comité organisateur, lui, il disait « il faut que je retourne pour faire la watcher ceux qui prennent trop un coup, là, en tout cas, whatever ». C'était déjà parti. Ça faisait déjà partie de sa vie, le mensonge, la manipulation, jouer avec mon cerveau, mais moi, je ne le voyais pas encore. Parce que quelqu'un qui est dans une dépendance, c'est son pattern inclus, le mensonge, la manipulation, les détours, les blâmes, blâmer les autres, c'est ça. C'est à cause de quelqu'un, de qui, de quoi, d'une circonstance, whatever. Ça fait que Gaston m'a ramené à la maison, puis il n'est pas revenu avant 5 heures le matin. Fait que quand il est rentré, je l'ai frappé. Je l'ai tellement frappé, j'en avais des bleus, j'étais comme déstabilisée, nette, en état de choc, face à ce comportement qui était complètement pas normal chez mon mari. Mais il y avait plus que ça. C'était aussi dans une période où que, quand il vous a partagé tantôt, on a commencé à prendre nos distances entre nous. Et j'ai eu l'idée stupide de partager une partie de ma vie avec une fille à l'ouvrage. Je vais vous dire maintenant qu'il n'y a pas eu une relation adultère avec cette femme-là. Mais je me suis émotionnellement attaché à cette femme-là. Ou que, puis d'un autre côté, plus rien ne me faisait rien. La seule chose que j'avais en tête, c'est d'aller jouer, d'aller gambler. Cathy, elle m'appelait, le petit, quelque chose à soir, mon petit-fils a quelque chose à soir. Aucun intérêt. Aucun. Tu n'as vraiment pas le même homme que tout le monde. Il y a quelque chose qui s'était passé, là. Puis, c'était pas juste le jeu. C'était son raisonnement avec le jeu. C'était son attachement émotionnel avec l'autre femme. C'était les rumeurs que j'entendais. C'était triste et humiliant. Puis en même temps, quand tu es impliqué et respecté, il y a toujours des gens à qui ça fait plaisir de te voir tomber. Malheureusement, on a le cœur comme ça. Mais heureusement, dans notre cas, ça a fait plus de peine que de joie. Puis, je veux juste dire que j'ai été très, très bien entourée, parce qu'à partir de ce octobre 2007-là, Gaston, il revenait pratiquement plus à la maison. Puis, le Seigneur gardait mon cœur, parce que moi, je restais attachée à mon Sauveur. Puis, je m'éloignais de toute personne qui voulait mépriser mon mari ou mettre des « peut-être que si, peut-être que ça », j'en voulais pas. Je me suis entourée de personnes qui aimaient mon mari autant que moi, dont la famille. Puis ma belle-sœur est venue dormir chez nous avec moi, elle a pleuré avec moi. Les sœurs à l'église, les hommes, les anciens ont pleuré. Je savais que mon mari était aimé. Je savais que c'était pas normal. Il avait brûlé la chandelle par les deux bouts presque toute sa vie. Il était... son péché avait gagné. Le péché, il n'y avait plus de garde. Il n'avait pas veillé dans cet épuisement-là. Un jour, j'ai entendu quelqu'un... Mon médecin de famille a dit, « Si tu veux faire tomber un héros, épuise-le. » Fait qu'on était placé dans une église où c'était facile de s'épuiser parce que c'était comme... Puis je condamne pas, c'est juste que c'était comme ça dans ce temps-là. C'était comme, fallait que tu drives, tu performes, c'est pas grave. Tu sais, Seigneur, occupe-toi de mes petits, moi, m'occuper de ton église. C'est tellement ridicule, c'est le contraire qu'il faut faire, tu sais. Mais pour la première fois de notre vie, là, Gaston puis moi, on n'était pas ensemble à Noël. J'étais toute seule... chez nous. Mes enfants vivent loin, nord de Toronto. Mathieu était au Nouveau-Brunswick, puis Georges était parti à Trois-Rivières avec sa femme. Puis, savez-vous quoi? C'était correct. J'avais la paix. J'avais la peine et la paix. J'étais assise dans mon divan sur mon coussin, là. J'ai passé peut-être 3 mois assise sur mon petit coussin, là. Je lisais là, je priais là, je pleurais là, je mangeais là, puis je dormais là, là. Puis là, je réalisais que j'avais vraiment pas besoin de plus que ça pour vivre. Alors que moi, je me contentais de n'importe quoi d'autre que ça. Alors, je me suis éloigné du Seigneur, comme je ne l'avais jamais fait dans ma vie chrétienne. On peut le raisonner de différentes façons pour expliquer mon comportement, mais on peut certainement d'aucune façon le justifier. Je me suis laissé épuiser. J'ai pas appris à voir les priorités assez longtemps dans ma vie. J'ai pas appris non plus que c'est... Au moment où le Seigneur est venu pour me saisir dans mon péché, pour me montrer que, hey, c'est pas ça que je veux. C'est ni l'état dans lequel tu es, ni tout ce que tu essayais de faire avant. C'est pas moi qui te servais, là. Et ça m'a donné un wake-up call. Et vous saviez, au niveau du travail, j'ai pas arrêté de travailler, ni de gambler, ni de rien, avant que je commence à perdre connaissance partout où j'allais. Puis là, à ce moment-là, on avait perdu pas mal. J'avais déjà rempli mes 2 marges de crédit de 35 000 $ chaque. J'avais retiré toutes mes REER. J'ai joué pour une somme à peu près de 360 000 $ qui, à l'époque, était à peu près tout ce que j'avais. Notre maison. J'ai tout perdu, mais Dieu a gardé ma femme auprès de moi. Et parce que j'ai une bonne femme qui aimait le Seigneur, qui a continué à servir le Seigneur, qui a pris les mesures drastiques nécessaires dans les circonstances. Cathy, elle m'a fait parvenir une lettre de divorce alors que j'étais au travail encore. Et ça m'a ébranlé pas mal. J'aurais jamais pensé de recevoir ça de ma vie. J'aurais jamais pensé d'en envoyer une. C'est ça. Mais pour dire que cette dépendance-là dans ma vie, c'est rien que ça qui comptait. Mais là, je le réalisais, je voulais m'en sortir. Yeah, attends, regarde. OK. Juste aller là. OK. Les enfants ont continué à avoir un grand respect pour leur père. Nos enfants étaient tous adultes, mariés, les trois. Puis, mais étaient très fermes avec lui parce qu'il ne pouvait pas approuver son comportement ni le prendre en pitié. Quand je dis on le prenait pas en pitié, moi j'avais beaucoup, beaucoup de compassion. Puis Dieu gardait dans mon cœur un grand respect pour sa dignité, par création. Puis parce que moi, je le connaissais, mon mari, là, je savais que c'était pas l'histoire de notre vie, puis mes enfants aussi, puis les amis à l'église aussi, ils savaient que c'était pas l'histoire de notre vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Fait que c'était évident que Gaston a fait un genre de psychose. Le péché, là, ça l'amène à la folie quand on ne met pas de garde. Tu sais, dans la Genèse, ça dit, le péché veille à ta porte comme un tapis, il veut dominer sur toi. Ça. Mais toi, domine sur lui. Mais si tu n'es pas en train de veiller, tu vas dominer sur quoi? Tu vas juste te laisser aller comme... c'est suivre le vent, là. Go with the flow, on dit en anglais. Mais le 18 janvier... le 18 janvier 2008, j'ai reçu un téléphone. J'étais chez ma fille à Toronto. Je veux que vous sachiez que quand je venais à la maison, je disais à Gaston, viens porter tes vêtements. Parce que moi, j'allais pour coucher, là. Puis, quand il s'en allait, il laissait ses vêtements-là, quand j'étais pas là, quand j'étais la nuit, là, puis là, le matin, je prenais ses affaires, je lavais tout, je repassais tout, je le remettais dehors, puis il repassait le prendre. Puis, je disais, Seigneur, c'est ton amour que je veux qu'il goûte. Puis, il savait que j'avais mal, parce que si je parle beaucoup de moi, c'est parce que l'impact de nous, de son comportement, c'était directement sur moi, puis sur nos enfants. Mais j'ai compris, en priant, le Seigneur, il me disait, Cathy, il faut que tu comprennes que c'est pas à toi qui fais ça, mais c'est toi qui en reçois directement l'impact. C'est entre lui et moi. Puis moi, là, j'aime encourager, donner de l'espoir. Tu sais, le verre est toujours à moitié plein, pas à moitié vide. C'est que, tu sais, j'écrivais des courriels à Gaston, je comprends pas. Tu sais, les enfants t'aiment, moi je t'aime, t'es respecté, t'es valorisé. Puis, tu sais, là, plate à gauche, plate à droite, puis le but par en arrière. Moi, je parle dedans. Mais c'est ça, le Seigneur, il me disait arrête. Laisse-moi-le. C'est entre lui et moi. Ça, là, c'est entre lui et moi. Puis, toi, Cathy, vas-tu continuer à m'aimer si je t'enlève ce que tu crois être le plus précieux pour toi? Mais là, le Seigneur, il me montrait que je l'aimais beaucoup, mon mari. Je l'haïssais aussi. Tu sais, c'était comme un... Mais que c'était un peu mon idole. Que je devais vraiment lâcher prise, puis le laisser à Dieu. Puis la question, c'était, vas-tu continuer à m'aimer, Kathleen? Vas-tu continuer à me suivre? Puis je pleurais beaucoup, puis j'ai dit, oui, Seigneur, mais mon désir, c'est que tu le ramènes. Puis Gaston, il continuait, lui, à mentir, à manipuler. Il y avait des rumeurs avec l'autre femme. Continuait à dépenser, à jouer. Puis il y avait l'évidence d'une dépression majeure, refusait tout contact avec les hommes qui l'aimaient, qui ont essayé d'aller le voir pour faire comme la parole de Dieu nous dit, tu sais, d'aller voir un à un, après ça, deux, après ça. Fait que j'ai eu un appel, c'est ça que je t'ai appris à dire. J'ai eu un appel le 18 janvier que mon mari allait être discipliné le lendemain, le dimanche matin, devant toute l'assemblée. Nous autres, on est une église d'à peu près 400 personnes, plus même. Mais avant que ce téléphone-là arrive, un des pasteurs à Gatineau, je le mentionne parce que je trouve que c'est un modèle, Gilles Farley, pour ceux qui le connaissent. Gilles, tout le temps, alors que j'étais dans mon péché, puis je fuyais tout ce qui s'appelait chrétien, Gilles m'a pourchassé. Poursuivi. Il a essayé par tous les moyens de rentrer en contact avec moi. Je travaillais à peu près à 45 minutes de chez eux, puis régulièrement, ils descendaient à l'ouvrage pour essayer de me voir, pour parler. Ça a juste à donner qu'à chaque fois, je n'étais pas là. Mais je savais qu'ils m'aimaient, cet homme-là. Puis, il y a eu les réunions de prière aussi spécifiques pour Gaston. Il y a eu des réunions de prière organisées spécifiquement pour prier pour Gaston. Quand je suis allée chez ma fille... Que je me détourne de mon péché. Oui, pour qu'il revienne, qu'il soit regagné. Par, c'est la bonté de Dieu qui nous conduit à la repentance. Pas les sermons là, de tout le monde, là, la bonté de Dieu. Puis la bonté des gens autour de nous. Quand j'étais partie là, à Toronto, parce que j'allais chez ma fille, là, je me protégeais émotionnellement aussi, bien, il y avait des frères et sœurs de l'Église qui apportaient des repas sur le perron chez nous pour Gaston. Moi. Puis quand il arrivait, quand ça y donnait d'arriver à la maison, il y avait un repas avec une belle carte, il y avait des gens. L'amour de Dieu était manifesté au milieu de nous. Par les gens. Puis la discipline qui a été exercée envers Gaston était vraiment faite dans l'amour. Fait que moi, j'ai dit à Gilles Farley, c'est correct. Je sais que c'est nécessaire. Puis je sais surtout que tu l'aimes. Puis quand Gilles, quand les personnes à qui j'ai parlé après qui m'ont dit, quand Gilles a parlé de ce qui se passait, puis l'Église le savait, là, il a pleuré. Son cœur était lourd. Il aurait voulu que ce soit pas ça. Mais il l'a fait parce qu'il aimait tendrement Gaston d'un amour fraternel pur, comme la Bible nous l'enseigne. Je m'étais tellement attaché à mon péché, à dominer par cette dépendance-là, que quand on m'a annoncé que j'allais être discipliné, pensez-vous que ça me faisait de quoi? Discipline-moi bien, je veux dire. Demain, je vais être après gambler, moi. C'est un petit peu comme ça que je pensais. Mais le Seigneur, par exemple, il avait pour lui, il n'avait pas dit son dernier. Oui, j'ai été discipliné et je peux dire que j'ai vu des églises discipliner des personnes assez de différentes façons, dans différents contextes, mais quand ce n'est pas fait par amour, ça ne va pas être utile dans la vie de personne, ni de l'Église, ni de l'individu. Mais ici, moi, je peux aujourd'hui affirmer que l'Église m'a aimé assez pour me discipliner. Ici, l'Église a voulu avertir, le conseil a voulu avertir toute l'Assemblée. Priez pour moi. Veillez parce que je suis parti sur une mauvaise rumba. Puis je refusais de m'en détourner. Puis c'est important de réaliser ça. Mais oui, il y a des frères qui... des sœurs qui restaient pas loin de chez nous, comme vous dites, à venir m'amener, même qui m'ont invité à souper, eux, Daniel et Louise. Et je suis allé sans me sentir jugé. Là, Seigneur, à cause de son amour dans ma vie, il a commencé à ramener, à réouvrir mes yeux à « c'est ça qui est bon. C'est de moi que tu as besoin. » Parce que plus que je jouais, moins que j'étais accomplé, moi, là. Plus que je jouais, moins que ça m'amenait des choses. Plus que ça m'éloignait de Dieu. Plus qu'on perdait. Plus qu'on perdait. On avait perdu la maison à ce point-ci. Mais je veux que vous sachiez que dans mes craintes, je suis une personne qui est consciente que je suis craintive. Puis je le dis quand je donne mon témoignage, que je n'ai pas honte de ça. Parce que Dieu m'a délivré du monstre qui était la crainte dans ma vie. Maintenant, c'est comme une toile de fond en arrière de moi. Je sais que j'ai ça, là, ça peut venir m'envahir, mais je choisis de dire non. Puis, de rester tranquille malgré tout. Il y a des leçons de vie. La Bible dit, au jour du malheur, réfléchis. J'en ai réfléchi un coup. Tu sais, je savais que c'était pas à cause de moi. Je savais que je n'étais pas une épouse parfaite, ni une mère parfaite, ni une amie parfaite. Toute la pédigrée n'est pas parfaite. Je l'avais, on l'a toute, là, je l'avais. Mais je savais, par exemple, que j'avais des choses à changer, que des choses que j'avais pris pour acquis dans notre vie, de jeune ado jusqu'à là, puis que j'avais besoin d'écouter mieux mon mari, d'être plus sensible à ses besoins. Puis aussi, j'approuverais pas plus le péché dans sa vie, c'est sûr et certain. Mais là, je réalisais aussi que Gaston, il faisait une dépression majeure. C'était vraiment, il était malade, il avait perdu à peu près 58-60 livres en quelques mois. Puis, le psaume 94, c'est ça. À un moment donné, c'est ça que je pouvais dire qui se passait en dedans de moi. C'était, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Puis là, après ça, il y a eu l'étape de la repentance. J'ai un de mes patrons que je trouve que Dieu a utilisé beaucoup dans ma vie et qui est venu me voir après que Cathy lui ait parlé, mais qui avait quand même qui doutait beaucoup de choses pour me dire, il est arrivé à mon bureau avec quelqu'un que j'avais formé moi-même dans une autre succursale pour me dire que tu t'en vas 3 semaines à la maison. Puis il m'a dit, c'est pas des vacances. Je te remplace 3 semaines à la maison pour que tu ailles prendre soin de toi. Et lui, il va aller te reconduire maintenant. Moi, j'avais appelé le patron, là, les grands mots, les grands moyens, là. Je disais, coudonc, vous ne voyez pas qu'il est après crevé. Il en demandait encore plus. Et j'ai perdu connaissance en arrière de la roue. À quelques reprises, j'ai perdu connaissance dans un restaurant après avoir mangé. Le Seigneur, il me disait à chaque fois, hey, t'es pas tanné? T'sais, réveille-toi, tabarouette. Et à ce moment-là, j'ai vu ma détresse. Puis j'ai choisi d'obéir au Seigneur, puis dire, Seigneur, je vais me sortir de ce problème-là. Et vous savez, nos églises ne sont pas toujours les mieux équipées pour aider quelqu'un qui a un problème de dépression, un problème de dépendance, un problème de démence, de quelque sorte. On n'est pas nécessairement les meilleurs équipés pour ça. Et je vais y revenir à ce que vous pensez. Alors, j'ai fait appel à un service qui est dans notre coin, qui s'appelle le Centre Gélinique, qui est un centre de soutien pour les gens avec des dépendances. Et je suis allé là. Personne ne pouvait me faire rentrer là. Personne ne pouvait m'inscrire là. C'est le genre de place que si tu veux être, si tu veux apprendre, si tu veux être suivi, tu dois te rendre pour demander l'aide. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai suivi, j'ose dire, ce ministère-là dans ma vie pendant près de 3 ans, auquel j'ai reçu un soutien d'un travailleur social qui était là. J'ai reçu le soutien de l'enseignement qu'on m'a donné là, qui m'est encore utile aujourd'hui et que je peux facilement appuyer par la parole aussi. Et ça m'a permis de cheminer pour me sortir de ma dépendance. Il était suivi par le médecin à ce moment-là aussi, là? Oui. Et de ma dépression. Ouais. Et je suis grandement reconnaissant, Seigneur, pour ça. On est dans un pays, dans une province où on a toutes sortes de services. Il ne faut pas avoir peur sous prétexte qu'on n'a pas besoin de psychologue, puis on n'a pas besoin de psychiatre, puis on n'a pas besoin de rien de ce monde-là, tout en acceptant qu'on a besoin des médecins, par exemple. Mon corps peut être malade, puis je peux avoir besoin des médecins pour l'aider à réparer. Ou soulager. Ou soulager. Mais si mon cœur est malade, je n'aurai pas de doigt au spécialiste. Ta tête. Pour m'aider. Ouais. Si ma tête ne fonctionne pas bien, je n'aurai pas besoin des spécialistes pour m'aider. C'est qui les a mis là? Je vous surprends peut-être. C'est sûr que... Mais c'est des services qui sont à notre disposition. C'est ça. C'est des outils qui sont à notre disposition. Faute d'en avoir dans nos églises, de ne pas en avoir dans nos églises. Puis ça, ce n'est pas l'équivalent de ne pas se confier en Dieu. C'est même un sujet de rendre grâce à Dieu pour qu'est-ce qui est disponible pour nous. Puis on pourrait en parler longtemps. Gaston. Vous savez la dépendance, oui. Vous savez les dépendances, puis je ne veux pas dire là, mais quand je dis là, ça les englobe toutes, en passant par la codépendance, en passant par la dépendance affective, on pourrait en parler longuement. On n'a pas le temps de faire ça dans une soirée. Mais juste pour vous emmener à mon histoire, là où que moi je me situe, beaucoup de gens se situent. Aujourd'hui, je peux dire que je me suis sorti de cela par la grâce de Dieu, avec l'aide de toutes sortes d'outils que lui-même a mis sur mon chemin. La repentance à l'Église aussi. Et la repentance, et mes frères et sœurs, et sa parole. Un verset qui m'a conduit beaucoup depuis Isaïe 58, verset 12. Regarde, tu peux même commencer. Isaïe 58, verset 12. Au verset 11, on dit « L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Et voici, il dit, grâce à toi, nous rebâtirons sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondations des générations passées. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les sentiers. Isaïe 58, 12. Il y a quatre R ici. On relèvera les fondations des générations passées. Nos cœurs, ils ont été enseignés toutes sortes de choses. On nous a appris toutes sortes de choses de notre naissance jusqu'à aujourd'hui. Et ce n'est pas toutes de ces choses-là qui nous ont fait du bien. Mais plusieurs de ces choses-là nous ont laissé des marques. Il faut les connaître, les comprendre. Pour pouvoir dire, oh, toi, tu n'aurais plus de lien sur moi. C'est ça. Seigneur, je l'abandonne. Aujourd'hui, il dit, je relèverai les fondations, je rebâtirai. Rebâtirai, relèverai, réparerai. Réparer et restaurer. Oui. Seigneur, il veut faire une œuvre dans ma vie. Et c'est ce qui s'engage. C'est ce qui s'est engagé. Si tu as accepté le Seigneur Jésus dans ta vie comme sauveur personnel, ça veut dire que l'Esprit de Dieu t'habite. Si l'Esprit de Dieu t'habite, il veut faire un œuvre dans ta vie. Il veut changer ta vie. Puis il y a de l'espoir. Oui. On n'est pas obligé de se garder lié par toutes sortes de dépendances. Ni par personne d'autre, en fait. Oui, parce que des fois, c'est des personnes qui ont des liens sur nous autres. Mais de ça, de cette grande épreuve, je dégoûte. Faites chaud, c'est moi, là. De cette grande épreuve est né un ministère. Puis, moi, en étant une personne de l'entourage, j'avais déjà accompagné une de mes meilleures amies chrétiennes qui était mariée avec un homme qui avait une dépendance à la cocaïne. Puis, quand c'est venu mon tour, là, on s'est beaucoup encouragés, puis on a prié beaucoup ensemble. Puis, j'ai entendu parler du cours Saint et Sauf, qui est pour des gens qui vivent avec toutes sortes de dépendances ou des difficultés, même à gérer la vie. Souvent, on ne sait pas comment... On n'est pas équipé pour gérer certaines choses, fait qu'on se garoche dans toutes sortes d'affaires tout croche. Puis ça fait juste être pire. Ça fait que le Seigneur, il me met à cœur de commander ça, de le faire, moi puis Monique ensemble, au complet, pour savoir si c'était biblique ou pas biblique. Fait que, veux-tu me donner ça, s'il vous plaît? Juste pour vous informer un petit peu de quelques outils basés sur la parole de Dieu qui sont disponibles pour nos églises, pour aider les gens qui traversent des difficultés avec des dépendances, Plus gros. Dépression, ouais. Avec la santé, problèmes de santé mentale. Des liens de n'importe quelle nature. Ouais. C'est que souvent, ce qui arrive, c'est que dans nos églises, dans l'église chrétienne, nous sommes, je m'inclus, sévères. Puis, parce qu'on est chrétien, on ne devrait pas avoir ci, on ne devrait pas avoir ça, on devrait tout être bien correct, là, tout, tout, tout. Mais on est encore ici-bas, puis on est après la chute. Alors, on est sous l'impact du péché dans notre vie, puis sous la grâce en même temps. Fait que moi, j'ai fait ce cours-là avec mon ami, 14 semaines, on écoutait le CD d'enseignement, puis on faisait les exercices. Puis là, vraiment, là, on était prête à aller au conseil demander si on pouvait être appuyé pour ouvrir un cours comme ça. Puis les personnes, ils devaient s'inscrire en nous appelant personnellement, parce qu'on savait que ce que je veux dire, là, ces deux mots bien importants que j'ai dit tantôt, là, c'est que la honte et la culpabilité souvent prennent le dessus sur notre désir d'aller chercher de l'aide. Aller chercher de l'aide, c'est noble. C'est courageux. Parce que tu en vaux la peine, ou les gens autour de toi en valent la peine. C'est que le conseil a accepté, ils ont passé à travers le matériel. Puis, la première rencontre, la première session qu'on a faite, j'avais 18 femmes qui ont eu le courage du milieu de l'assemblée de venir nous voir puis dire « Moi, j'ai un problème d'alcool. » Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Là, je commence la quatrième session lundi. Non, je commence la quatrième année, mais la sixième session. En tout cas, c'est pas grave. Là. J'ai un problème d'alcool. J'ai un problème de drogue, je souffre de dépendance affective, je marierais n'importe quoi, un poteau, ça me prend absolument un homme dans ma vie. J'ai des problèmes de pornographie, autant les femmes, là. Puis nous, là, notre... ce que Dieu mettait dans notre cœur, c'était de les accueillir, de les aimer, de ne pas les condamner, de ne rien banaliser, de les accompagner. On ne pouvait pas les réparer. Moi, je ne peux pas réparer personne. Comme elle ne pouvait pas me réparer de toute façon. Même façon. Mais on voulait les écouter. C'est sûr qu'il y a un cadre. On doit discerner, on doit veiller en tant qu'animatrice ou animateur dans ces genres de rencontres. Mais on a vu, puis on a encouragé les femmes à croire que Dieu pouvait les délivrer. Puis on a été témoins de grandes choses. Puis ça continue. J'ai des inscriptions, ça recommence lundi. Puis j'ai fait c'est sain et sauf, c'est ça ici, les sentiers de la restauration. C'est un cours qui a été écrit par Denis Morissette. Je ne sais pas si vous le connaissez à Longueuil. Je pense que vous connaissez, c'est de l'Église Nouvelle Vie à Longueuil. Excellent matériel. Ça, avec les CD. Après ça, ça a été traduit à la croisée des chemins. À la croisée des chemins, un guide étape par étape pour rompre avec les dépendances. C'est vraiment centré sur, comme le film Le Seigneur des Anneaux, là, tu sais, quand on voit comment la puissance du mal attire toujours, là. Tu le vois en faisant cette étude-là, comment le Seigneur Jésus t'attire encore plus fort sur son bord. Puis comment, en s'exerçant à dire non à l'objet de notre affection, qui n'est pas Jésus-Christ, on peut avoir la victoire. Puis, il y a celui-là ici, que je suis en train de lire, que c'est très gros, là, ça. Ça touche plein d'autres choses dans une église. « Une vie renouvelée » de John Baker. Un programme... C'est traduit de « Renewed Life ». Bien, c'est Rick Warren, ça. Rick Warren. Un programme de guérison basé sur 8 principes tirés des béatitudes. Ça a l'air excellent. Le point que je veux faire, c'est que ça vaut rien si tu ne veux pas vraiment t'en sortir. Il y en a qui s'en sortent simplement avec la prière puis la parole de Dieu. C'est divin, Dieu peut guérir comme ça. Mais Dieu nous a placés les uns avec les autres, avec des dons, des talents, surtout l'amour fraternel, pour s'aider, s'accompagner, pas se juger. Mais, tu sais, il y a juste C'est quoi? Il disait que la seule armée qui enferge ses soldats, c'est l'armée chrétienne. Parce que dans les autres armées, on va reculer, les ramasser quand ils sont tombés. On va perdre de... je sais pas ce qu'on... On est prêt à perdre de l'avance pour aller chercher un soldat blessé, brisé. Et puis nous, on a besoin de s'exercer à faire la même chose. Puis après ça, ben Gaston... C'est des outils qui sont là, basés sur les Écritures que nous, on a appris ici, qu'on exerce aussi aujourd'hui, qui continuent à me faire du bien. Il y a un cours que Cathy et moi, on a suivi trois fois maintenant, qui s'appelle « Vers la maturité relationnelle ». Et ce cours-là, il a vraiment mis une base dans notre vie aussi, qui nous a permis à nous de cultiver notre relation. En tant que couple. En tant que couple, en tant qu'individu et en tant que chrétien avec le Seigneur Jésus. Parce que vous savez, tout ça, ça peut être tout bon. Ouais. Si on n'a pas de relation avec le Seigneur Jésus, ça ne va pas nous conduire nulle part d'autre qu'un cul-de-sac. Ça te prend une relation avec le Seigneur Jésus. Dieu est vivant. Dieu veut changer nos vies. Est-ce que vous avez... Dieu continue à changer la mienne. Ouais. Dieu veut changer la vôtre aussi. Et je vous prie, si vous avez des difficultés dans vos vies de cette nature-là, n'hésitez pas d'aller chercher de l'aide. N'hésitez pas, demain, ça peut être trop tard. Gaston a voulu mourir, hein? Il voulait s'enlever la vie. J'ai envoyé la police au travail. J'ai pas juste envoyé un huissier, j'ai envoyé la police aussi. Mais il voulait mourir. Il savait pas comment sortir de ça. Ouais, il y a eu un temps que je savais pas que je réussirais à m'en sortir. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu a pitié de nous. Je disais à un frère tantôt, David, il a dit, Seigneur, dans ta bonté, tu m'as humilié. Tu m'as rendu capable de comprendre. Et ça, c'est comment Dieu est bon. On va être disponible pour quelques questions, s'il y en a parmi vous. On ne promet pas d'être capable de toutes les répondre, et on ne s'engage pas à toutes les répondre non plus, mais on va essayer. Oui? Amen. Amen. Là, tu sais. Ouais. Puis continue à prier pour notre frère. Un an, c'est une courte période dans notre vie. Mais c'est une belle c'est un bel accomplissement. Ouais. C'est une belle approche au Seigneur. Mais c'est le genre de choses qu'une fois que tu es accroché avec, tu peux facilement y retourner. Et c'est pas méchant en soi. Ça nous oblige de rester proche de la croix. Oui, c'est ça, de veiller. C'est ça qu'il y a besoin d'être entouré. Ouais. Parce que c'est quelque chose de... C'est beaucoup, une grande victoire. Que... La moindre encouragement. Gloire à Dieu pour ça. Ça ne va pas marcher. C'est difficile. Ah, tu comprends ce qu'elle dit? Mmh. C'est pas pour lui, c'est pour sa blonde. C'est ça. C'est ça. Ouais. Gloire à Dieu. Moi, j'ai arrêté de fumer souvent pour ma femme. Oui, gloire à Dieu. Il y a le monsieur, là? Oui. Oui. Oui, c'est deux questions, là. C'est le même prix. Vous face à la tentation, là, face au jeu. Ah, c'est bon. Lorsque la tentation face au jeu se présente, automatiquement, je vais au Seigneur pour dire, Seigneur, j'ai aucun gain à aller là. Mm. On parle quand même, dans mon cas, de 6 ans? 6 ans, là, présentement, 7 ans de abstinence. Et aujourd'hui, je peux plus facilement dire, Seigneur, j'ai pas besoin d'aller là. Oui, il y a quelque chose qui semble m'attirer, mais toi, tu es plus grand. Aujourd'hui, je suis capable de parler comme ça. Alors que il y a quelques années, je devais, oui, parler comme ça aussi, mais en même temps, m'en aller dans un endroit sécur. Oui, oui. Quand je t'ai tenté, je m'en allais à la maison. Peu importe ce que je faisais. Quand Gaston... Est-ce que je sais que je demeure faible? Vous savez, on a été créé pour dépendre. De Dieu. Mais dépendre de Dieu. Alors, si ce n'est pas de Dieu qu'on dépend, les possibilités qu'on dépend de d'autres choses sont énormes. Oui, okay. Oui, il y avait en arrière avant. M'en viens, j'entends. Beaucoup en plus. Il y en avait beaucoup. Beaucoup en plus, oui. Il y en avait beaucoup. Non, j'ai... Les gens connaissaient ta détresse. Non, les gens ne connaissaient pas ma détresse. Parce que moi, je ne la connaissais pas. Moi, je ne l'ai pas vu venir. Tu comprends? Mais malgré que je ne la voyais pas et je ne l'ai pas vu venir, elle était là. Et elle se manifestait dedans de la performance. Elle se manifestait dedans... qu'est-ce que les gens pensaient de moi? C'est comme ça que j'allais chercher mon énane. Très peu de personnes. Il y a eu un homme, entre autres, qui a dit à Gaston, « T'es un workaholic. » Il y a eu un homme qui a dit ça à Gaston, puis moi, j'étais d'accord avec lui, à ce point-là, quand il lui a dit. Mais, c'est parce que moi, quand je regarde en rétro, Gaston, avec ta question, c'est que moi, je te donnais des mises en garde, Gaston. Tu as brûlé la chandelle par les deux bouts, tout, tu sais. Fait que maintenant, il ne voyait rien, il ne voyait pas. Mais vous savez, celle que Dieu a mis à nos côtés, celle ou celui, c'est la meilleure outil qu'il utilise aussi dans nos vies. Moi, ça m'a pris du temps de comprendre ça. Moi, il y a eu un temps que je pensais qu'il y avait deux Saint-Esprit. La deuxième partie de la question qui est importante. Okay. Maintenant, la vie, comment la relation avec les autres frères? Oui, c'est ça. Oui, qui me connaissent un peu mieux, que j'ai été mis à la lueur du jour en ce qui concerne le péché et les difficultés dans lesquelles j'ai traversé, qui sont conscients aussi que c'est une période dans ma vie et ce n'est pas que ça ma vie. Et plusieurs d'entre eux, ceux qui étaient mes bons amis, sont encore mes bons amis. Et j'ai l'occasion, même moi, dans mon approche avec les gens, je suis différent. C'est sûr, j'allais le dire. Là. Parce que je suis une différente personne. Okay? Une des choses que j'ai appris pendant ce petit voyage-là aussi, c'est si tu veux que le monde change autour de toi, il y a une façon bien, bien facile. Change. Tu ne le verras plus pareil après. Mais vous savez, il y a un de mes amis, avant que je tombe, qui, pendant ma chute, m'a envoyé un courriel à l'ouvrage me disant « Je te pensais chrétien. Je pensais que tu étais un bon témoignage pour moi, mais là, je vois la vérité. Tu nous as caché ça toutes ces années-là. » Puis il allait là. Il ne beurrait grand. Puis malgré que j'étais dans ma folie à ce moment-là, je trouve que Dieu m'a donné la sagesse de lui répondre. Frère, je te demande pardon si j'ai été une occasion de chute pour toi. Mais sache que si tu réagis comme ça devant chaque frère qui sont en difficulté, tu vas manquer des bonnes occasions de les aider. Et j'ai jamais discuté de ce sujet-là avec la personne et puis à notre assemblée depuis, de toute façon. Mais juste pour dire que ce n'est pas tout le monde qui comprend. Ce n'est pas tout le monde qui sont capables de dire « Un chrétien, ça tombe. » Puis ça pêche. Hein? Y a-t-il quelqu'un pour qui j'annonce une nouvelle? Là? Hein? ça pêche, c'est la réalité. Hier soir, je suis allé visiter une famille qui était en difficulté et j'ai été là jusqu'à minuit et demi pour essayer d'un petit peu calmer la tempête avant que je m'absente. Je suis revenu à minuit 30. Mais je leur ai dit, OK, on a réussi là, un petit peu à calmer l'orage et tout ça. Mais j'ai dit, allez-vous-en pas vous coucher à soir pensant que ça n'arrivera plus. Là. Ça va arriver encore. Par la grâce de Dieu, ça va être plus étalé. Ça va être moins intensif. Puis c'est comme ça qu'il faut progresser. Mais ça va arriver encore. On n'est pas au ciel, ici, là. Il y avait une autre question. Oui, il y avait une autre question. Après ça, Jean-Claude. Oui. Oui. Ça a pris un certain temps que je mette le doigt sur ce bobo-là. Une des pensées qui m'amène à rester proche du Seigneur aujourd'hui, c'est que je crois que j'ai d'autres bobos qu'encore je n'ai pas mis le doigt dessus. Fait que je me prépare. On doit être là quand nos frères tombent. On doit être là. Vous n'avez pas besoin de les écraser. Ils sont déjà à terre. Ne perdez pas votre temps. Si vous ne voulez pas les aider, faites juste passer tout droit. Il y a une parabole dans les Écritures pour ça. Mais il y a beaucoup plus de valeur pour un chrétien qui se relève que pour quelqu'un qui n'est jamais tombé. N'oubliez pas ça. Est-ce que ça répond? Oui. Oui. Dans notre plus grande faiblesse, ça vient la force qui reste vient du Seigneur aussi. Oui. Jean-Claude. Je n'ai pas parlé présentement. Moi non plus, je n'ai pas parlé. J'y ai pensé tantôt, là. Parce que, juste pour revenir au point que j'ai dit au départ, c'est le même genre de choses que la drogue ou l'alcool. Oui. Mais c'est dans la désintoxication, je pense, que tu veux vraiment... Oui. Il y a eu une période, après que j'ai réalisé l'état dans lequel j'étais et comment que je m'étais éloigné du Seigneur et j'avais besoin de faire... un volte-face à ce niveau-là. Quand j'ai décidé d'arrêter de jouer, comme je vous ai dit, mon patron m'avait envoyé chez nous pendant 3 semaines. Je me suis en allé à la maison, confessé à ma femme, demandé pardon à ma femme pour ce que j'avais fait aussi. Et je me suis couché sur le divan et j'ai passé à travers une période de désintoxication, là. Puis c'est à jeu, ma dépendance. Là. Je reçois, j'étais malade, je tremblais comme ça. Cathy était assise sur moi, elle n'était pas capable d'arrêter. Je le tenais là, dans mes bras. Là. C'était pareil comme s'il avait pris de l'héroïne toute sa vie. C'est une possession. Hein? Mais j'ai passé par cette période-là aussi. Pourquoi? Parce que c'était une dépendance. C'est pas juste le type. C'est juste le fait d'être dépendre de quelque chose puis vouloir arrêter de faire ça. Ça l'amène notre corps à réagir. C'est médical, c'est psychologique, mais c'est de quoi on est fait. Mais aussi, après 3 semaines, je ne suis pas retourné travailler. J'ai été embarqué sur l'assurance maladie. Et la prochaine année qui a suivi, j'ai dormi à peu près 20 heures par jour. Puis ça, c'est pas exagéré. C'était vraiment un vrai burn-out, là. J'étais zéro but de bord. Mais Dieu, il m'a relevé. Pour moi, c'était difficile. Pour lui, c'était facile. Oui? Comment est-ce que Dieu vous a restauré vu que tu as dit que vous avez perdu votre maison et avec la dette que vous avez accumulée? Dieu est bon. Dieu est bon. Il nous restait assez d'argent pour s'acheter une remise. Non. Le Seigneur il a permis que ça se restaure. Aujourd'hui, on a notre maison. Une petite maison. Une petite maison. On est deux. C'est ça. On peut encore se courir, même si elle est petite. On n'a pas été financièrement en mesure de faire autre chose que ça. Dû à un rattrapage. On a fait faillite. Ouais. Ben oui, là. Moi, j'ai dit, pas question que je paye, que je travaille pour payer du vin. Si j'aurais pas pu, je pouvais pas m'en sortir avec ce que je gagnais versus ce que j'avais à payer. Mais ceci dit, il y a des choses comme j'ai fini de payer la dette que j'avais envers ma voiture. Puis j'ai gardé ma voiture. Parce qu'il y avait des prêteurs usuriers aussi, là, des shark loaners, loan shark. Et j'étais vraiment d'une situation difficile. Aujourd'hui, j'ai pas pris le temps de passer par ça, mais quand je suis revenu de ma dépression, je me suis présenté au travail et le directeur de l'Amérique du Nord, des ressources humaines, il m'attendait à mon bureau pour me dire qu'il n'y avait plus de place dans l'entreprise pour moi. Ça faisait 36 ans que je travaillais là. Ça a été dur aussi. Ça a été dur, mais ça a été une bénédiction dans ma vie. Et après ça, eux, ils m'ont donné un buy-out. J'ai pu continuer à récupérer de ma santé. Et j'ai poigné un petit travail sur le déménagement. Mais l'année passée... Il y a deux ans, je me suis brisé un poignet sur le déménagement. Mon poignet gauche, auquel je n'arrive plus à avoir toute ma flexibilité maintenant. Ça l'a permis du fait que je ne peux plus faire de déménagement. La même année, la compagnie a fait faillite. Alors, j'ai pu bénéficier de notre système au lieu de... J'ai pas dit profiter, j'ai dit bénéficier du système au niveau de la CSST. Et je suis retourné aux études. Je suis retourné étudier en technique de travail social spécialisée en gérontologie. Il va pouvoir prendre soin de moi longtemps? C'est ça. Je me suis dit, avant d'être un client, je voulais voir ce que c'était d'être là. Mais j'ai gradué au mois d'août, le 21 août, cette année. Et j'ai pris un programme condensé qui me faisait très peur au début. 56 ans, retourné aux études sur un banc de collège avec des jeunes de 18 à 25 ans pour la majorité. Je suis un petit peu ébranlé. Mais après, c'est eux qui ont été ébranlés. Mais j'ai fait 2 ans, au collège, c'est 2 ans, c'est 4 sessions. Moi, je les ai faites dans 3 sessions condensées, dans 12 mois. Et j'ai commencé le 24 août 2014 et j'ai fini le 21 août 2015. Et j'ai gardé une moyenne cumulative de 85. Wow. Fait que mes craintes... Ça dit, le Seigneur peut faire n'importe quoi avec les choses viles du monde. Mais ça m'a encouragé. ça m'a encouragé à ne pas me péter bretelles, loin de là. J'ai, ma femme m'a vendu des bretelles pendant que j'étais malade. Mais ça m'a permis de dire merci Seigneur. Parce que une des choses qui vient avec des périodes comme j'ai vécu, c'est la culpabilité. Le sentiment d'échec. Pas le sentiment, l'échec. Et aussi, tu dis, je ne commencerai plus rien, parce que c'est rien que des gaffes que je suis capable de faire. Tu généralises tout, là, sur le coup. Alors qu'avec ça, le Seigneur m'a permis de dire, je suis encore capable d'utiliser, watch me baller. Fait qu'aujourd'hui, je travaille, j'ai gradué le 21 août. Mon centre de stage m'a appelé le 22 pour que j'aille travailler pour eux. Et j'ai dit non, je voulais avoir une semaine de vacances avant. C'est vrai? Oui, mais ils m'ont attendu. J'ai commencé à travailler au centre de soins longue durée Montfort le 31 août. Fait que je bénis Dieu pour ça. C'est comme un dernier soudage, ou un dernier. Je pense que c'est un dernier. Là, le Seigneur n'a peut-être pas la même conviction que moi, là, mais le dernier point qui ferme la loupe, la boucle, un petit peu dedans cette période-là. Là. Ça a-tu répondu, Jean-Claude? C'est à long, mon affaire? Hein? Oui, OK. Oui. J'ai eu deux rechutes. Deux rechutes en 7 ans, c'est ça? Au début. Oui, au début, mon combat, je ne l'ai pas bien entrepris. Mais ce n'était rien de considérable si on parle de l'impact financier. L'impact émotif, ça avait un gros effet. Parce que, comme je viens de mentionner, l'effet de « je ne réussirai pas », la culpabilité. Puis aussi, je le dis-tu à ma femme, je ne le dis pas à ma femme. Tu sais, c'est... Vas-tu me battre encore, tu sais? Y a-tu quelqu'un qui m'a vu? Oui. Ah, il l'a fait. J'ai fait ça. Oui. Encore. L'Église a un rôle à jouer dans ma vie. Non. Puis moi aussi, je ne vais pas chicaner. Vous savez, comme Cathy a mentionné tantôt, il y a toujours des gens à quelque part qui vont se taper des mains que tu as chuté puis que tu as trébuché. Quand je suis revenu à m'attacher au Seigneur, et je suis allé devant l'Assemblée parce que j'avais passé par la discipline, alors je devais me présenter devant l'Assemblée. Toute ma famille a voulu venir avec moi. Et pendant que je confessais mon péché à l'Assemblée et je me repentais de tout ça, il y a une pensée qui m'est venue à l'esprit que j'ai mentionnée. J'ai dit, puis comme Cathy disait, c'est une église de 400. Là. Je sais que j'ai été le sujet de discussion autour de plusieurs tables. J'ai dit, pour ceux que ça l'a conduit à prier pour moi, merci beaucoup. Pour les autres, Dieu s'arrangera avec vous autres. Parce qu'il y avait les deux. Moi, je n'ai pas à essayer de trouver c'est qui. Ça ne me regarde pas. Mais je sais qu'il y en avait les deux. Mais aujourd'hui, je continue de glorifier le Seigneur. Si Dieu le permet, je vais donner ce que je suis capable pour aider les gens qui traversent les mêmes difficultés. Ou d'autres, parce que les racines sont souvent les mêmes. Mais Dieu peut, Dieu veut, et Dieu est capable de nous sortir de cette emprise-là. Ne vous découragez pas. Il y avait une autre main. Un pied. Okay. Oui. J'aimerais savoir quelle était votre façon préférée de faire l'argent. J'aime moi. Ouais. Oui, non, non, c'est correct. C'est une bonne question. Parce que moi, compte tenu de ce qui m'a amené là, si je fais récapituler quelques petits points qu'on a mentionnés, mon excès de travail, mon excès de fatigue, alors c'est une tranquillité que je cherchais en même temps que j'allais jouer, je ne me présentais pas dans un casino. C'était trop bruyant pour moi. Je jouais dans les petites machines de coin, les bars de coin. Et n'importe quelle forme, c'est ridicule, c'est stupide, là. On n'a pas à s'en cacher. Mais j'avais rien à gagner là. T'sais, le plus que tu peux gagner, c'est 500$, puis moi, je mettais 2000$ par soir. C'est ridicule. Puis si je nomme les chiffres, c'est pas pour vous encourager à mettre des chiffres semblables, loin de ma pensée. Je le mentionne pour montrer comment que la folie de l'homme peut nous emmener loin. Et c'est là qu'elle m'a emmené. Étiez-vous un acheteur de billets de loto? Du tout. Non. Ni avant, ni pendant, ni après. Ça, du ça tout. Moi, je gagne une pièce par semaine. Moi, je gagne une pièce par semaine. N'achète pas de billets. Je gagne sa pièce. C'est que je dépense pas. Fait que j'ai gagné plus que bien du monde qui dépense à tous les semaines. À ce niveau-là. Mais vous savez que pour plusieurs, c'est une sévère addiction, les billets. Les billets. On en connaît. Vous savez le nombre de personnes âgées qui tombent dépendantes du jeu pendant leur deuil? Ça monte en flèche comme ça. C'est sérieux. Pourquoi la solitude, l'abandon, la mise à l'écart, toutes ces choses-là peuvent expliquer. Mais plusieurs personnes âgées tombent dans le jeu. Même si ce n'est que les billets. Mais les casinos, si vous voyez la promotion de casino à télévision, là, c'est qui la clientèle qui cible? Les personnes âgées. Pourquoi? Ils sont vulnérables. Les casinos, ils les payent des autobus pour qu'ils viennent. Ils leur payent des soupers pour qu'ils viennent. C'est ça, l'appât du gain. Veillez et priez. La Bible dit que notre adversaire, le diable, rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Oui. Ça fait un an et demi que je ne souffre plus de fibromyalgie, que vraiment le Seigneur a délié mon corps d'une façon miraculeuse. Mais je sais qu'il m'a délivré de beaucoup de craintes conscientes et inconscientes, si ce n'est que, tu sais, je ne sais pas comment te dire ça, comme ce sentiment d'incompétence ou ce sentiment de, comme un peu si j'étais lépreux, là. Sentiment de « je suis dégueulasse, touchez-moi pas ». Ouais. Le Seigneur, il me l'a enlevé. Ça fait que moi, je sais, je fais de la haute pression. Quand je sais que ma pression va monter si je me présente devant un nouveau groupe, comme vous, là, d'ailleurs. Ça a commencé à monter avant qu'on arrive, là. Mais je l'ai fait monter à la table, justement, pour pas qu'elle monte rendue ici. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je suis très à l'aise devant n'importe qui. Mais je sais qu'un jour dans ma vie, j'étais pas capable de parler avec quelqu'un d'instruit. Parce que à côté de lui ou d'elle, ce sentiment d'être pas correct, là, pas. M'envahissait. Puis le Seigneur, à travers les années, m'a rétabli en une personne complète. J'étais brisée par d'autres affaires. Ça serait un autre témoignage. Mais Plus que je vais m'éduquer, plus qu'à prendre la fermeté là-dedans. Non, mais aussi que Gaston, Parce que moi, je n'avais jamais eu à m'inquiéter de Gaston. Puis financièrement, je ne suis pas une personne qui s'en est faite pour... Vraiment, on a vécu avec pas beaucoup pendant bien des années. Nos trois enfants sont allés au collège biblique, moi je ne travaillais pas. On n'a pas eu d'aide du gouvernement, ni de bourse, ni de prêt. On a appris à vivre avec, puis à être content de ce qu'on avait. Fait que ça, c'est un genre de stress que je n'ai pas vécu. Mais je veux que vous sachiez que depuis que j'ai tombé dans le jeu, elle s'occupe du budget. Encore aujourd'hui. Mais j'aurais pas demandé ça, par exemple. Elle est bonne là-dedans. Moi, là, ça a été un exercice. Mais elle pas s'occupe dans le sens que moi, je sais ce qu'il a payé. Je ah oui, c'est ça. Et tout ça. Mais je touche pas au compte de banque. C'est ça. Je donne ses dépenses. Oui. Hey, Phil. Non. Mais je vous dis ça parce que c'est important. C'est une décision qu'on a prise ensemble. Je veux pas me croire plus invincible. Debout que je suis, ni invincible. Je ne vais juste pas me mettre dans une position de vulnérabilité si je ne suis pas obligé. Puis je veux juste répondre à ta question pour la fermer. C'est que je connais mieux mes ennemis, mes champs de bataille. Puis si je vis quelque chose de difficile, ce serait facile pour moi que mon corps se relie à nouveau. Je le sais. Ça fait que mon combat est différent parce que je connais mon ennemi. C'est que je ne sais pas si tu souffres de fibromyalgie. Parce que si je t'aurais dit si oui, je ressens ta misère. Mais aussi, il ne faut pas banaliser les gens qui souffrent de fibromyalgie. Parce que c'est réel. C'est pas vrai que c'est dans leur tête. Même si tout le système nerveux il part de là. Puis, madame, je veux juste finir la vérité que j'avais commencé à vous dire. Ayant dit que c'est dans une machine de beurre que je me tenais. Une machine de beurre? Ouais. Quand qu'eux autres, quand que à Gatineau, les machines, ils ferment à 2 heures. À Hull, qui est juste l'autre côté du port, ils ferment à 3 heures. Alors, à 2 heures, je m'en allais à Hull, puis à 3 heures, là, j'allais au casino. Parce que je commençais à travailler à 5 heures. Fait qu'il y a eu des petites périodes comme ça, mais ce n'est pas les moments les plus achalandés. Je me cachais dans les coins, mais j'ai fait très, très peu de casino. Juste quand il n'y avait rien d'autre ailleurs ou que j'avais pas le vide. J'ai déjà entendu parler, la première fois, d'une dame qui, son mari est mort, qui avait retiré toutes ses assurances. Ouais. Oui, absolument. Madame, il y en a énormément de personnes qui ont fait ça. Même ma soeur, qui était plus catholique que le père, elle allait au casino à Charlevoix. Ben oui, hey, oui, Charlevoix, là, c'est renommé, les grosses publicités qu'ils font. Mais ça, c'est pas mal. C'est parce que c'est une piqûre. Vous savez, aujourd'hui, je suis dans un centre de soins de longue durée. Et je bénis Dieu. Ouais, c'est venu de temps avance, mais je bénis Dieu parce que il m'enseigne beaucoup de choses. Il y a beaucoup de sagesse derrière votre génération que nous, on a besoin de saisir. Et je prie le Seigneur qu'il me permette de bénéficier de cela. Mais votre génération aussi vit de la solitude, de l'isolement. Après avoir passé... tu sais, puis je pense pas que ça va être différent pour moi et Cathy. Ça fait déjà 40 ans qu'on est ensemble. Et oui, si un événement comme ça nous arrivait, ça va être difficile. On se sent tout seul. On se sent isolé. Même s'il y a plein de monde autour de nous autres, on se sent tout seul pareil. Pourquoi? Parce que notre moitié, bien souvent, est partie. Ou peu importe les circonstances, que ce soit un divorce ou autre chose, c'est pas moins une brisure. Et le jeu... je vous dis, le jeu, faites pas de test, s'il vous plaît, là. Mais c'est particulier dans la façon où que la psychologie vient à voir avec le jeu. Le jeu, chaque lumière là-dedans, chaque son dans les machines, la façon que les roulettes tournent, la façon que les roulettes arrêtent une après l'autre, c'est tout mesuré à la perfection pour que tu flanches. C'est pas compliqué. Et si le gouvernement fait une tonne d'argent avec ça, c'est en même temps parce que nous perdons une tonne d'argent là-dedans. C'est 2 plus 2 égale 4. Mais c'est vraiment un serpent avec un messin venin. Ouais. Puis Dieu merci, j'ai pas laissé ma peau. Mais j'aurais pu. Ni mon esprit. Okay. Je vais revenir à Luc, puis je vais arrêter avec ça parce que le temps file. Oui, Luc. Gloire à Dieu, si tu as pu te tenir au relais de ça. Ça chambarde une vie, ça aussi. J'ai dit, ça chambarde une vie, ça aussi. Mais attache-toi au Seigneur, Luc. Mais il faut continuer à s'attacher au Seigneur, hein, même dans les moments difficiles. Ça va vite. Vite, ça. Fait que Michel, peut-être si tu veux juste terminer avec un mot de prière pour nous, pour cette période-là. Vous remercier, Gaston et Kathleen. Ouais. J'aimerais ça inviter les anciens, si vous voulez venir, un peu prier pour eux. Ça ne vous dérange pas, les frères. En pensant à tous ceux qui ont ce genre de lutte-là, et le combat-là. Ça va, Jacques. Je vous remercie beaucoup parce que, dans le fond, merci Seigneur. Sauf et que aussi tu bénisses à travers ce témoignage-là d'autres églises. Et que tu donnes à l'Église, Seigneur, de jouer son rôle auprès de chacun de ses membres. Les églises, on le sait, sont remplies de toutes sortes de personnes qui ne sont même pas des croyants. Mais il y en a qui sont des croyants. Ils ont besoin de prendre leur place et d'accomplir l'œuvre d'amour envers les frères et sœurs. Comme tu as donné, Seigneur, de se produire à Gatineau. Laisser tomber. Même s'il y en a qui ont jugé, Seigneur, il y en a qui ont pas laissé tomber. Mais Seigneur, cet amour-là, tu le manifestes à travers ton corps, qui est l'Église, les saints, les uns avec les autres. Il donne un puissant témoignage à Gaston et à Catherine, Seigneur, pour Il reste du café et du dessert. Et